آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on est toujours dans le cadre de la conférence, et c'est le dernier cours de cette conférence, inshallah, ce sera le cours de clôture. Conférence sous le thème « La salafia, la voie du juste milieu entre le laxisme et l'extrémisme ». Et je voulais terminer par un cours de Cheikh Ahmed bin Nahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala, ce noble savant qui nous a quittés il y a peu, rahimahullah ta'ala, et qui était le mufti du sud de l'Arabie Saoudite, et c'est tiré de son explication de « Usul Sunnah » de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et le titre du cours est donc « S'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons ». Comme on a vu dans le premier cours, qui était le cours en guise d'ouverture, sous le thème « Bienvenue aux demandeurs des sciences ». « Marhaban bi talib al-ilm ». Et on a vu que c'était tiré d'un hadith de Safwan ibn Asal al-Muradi, radiallahu anhu ardah. Puis on avait vu ensuite le hadith d'Abu Darda sur la préscience de la science et des gens de science. Et on avait fait ensuite un cours, après Salat al-Fajr hier, sur l'affiliation salaf et le fait que c'est obligé de s'affilier au salaf. On avait vu ensuite, parmi les nombreux bienfaits de s'affilier à cette voie, Cheikh Mohamed ben Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il avait cité 12 bienfaits. Hein? Et je vous avais promis, inshallah, je vais citer ma promesse, il y a encore quelques cadeaux, il faut qu'on les liquide avant la fin de la conférence, inshallah. Hein? On posera des séries de questions-réponses à la fin, et on essaiera d'offrir des quelques cadeaux encore, inshallah, des livres, comme on a déjà fait lors de ce week-end. Ensuite, on avait consacré un cours à... On avait notamment cité dans ce cours-là la caractéristique d'Al-Sunna al-Jama'a, en tout cas l'une des leurs, c'est qu'ils suivent la voie du juste milieu. أنهم ينتهجون الوسطية في كل شؤونهم, comme il avait dit Cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul, hafidahullah. Et on avait, alhamdoulilah, déjà étudié ce sujet-là ensemble. Ensuite, on avait vu la parole de Cheikh Al-Fawzan, et qu'on pourrait résumer sur le fait qu'il est obligatoire de revenir aux gens de science, et même aux enracinés de science, pour tout ce qui est du domaine de la définition du laxisme et de l'extrémisme. Hein, qu'on ne revient pas à n'importe qui pour dire quelle chose fait partie de l'extrémisme et quelle chose fait partie du laxisme, mais qu'il faut revenir obligatoirement aux savants et aux savants d'Al-Sunna al-Jama'a. Alors je voulais terminer dans cette continuité-là sur le sujet s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons. Car comme on l'a vu, la voie du juste milieu, c'est leur voie. Radiallahu anhum. L'imam des gens de la Sunna, et l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, commence son fameux épître Usul Sunna. Usul Sunna, que les mashaykh appellent Usul Sunna l'imam Ahmed. Cheikh Fala Ismail, hafidahullah ta'ala, wa shafahullah, comme vous savez, il est à l'hôpital, il s'est fait opérer cette semaine. Il avait fait en tout cas une très grande partie de ce livre-là avec nous ici, et on en a tiré de très grands bénéfices. Fa shafahullah ta'ala. Et donc, Usul Sunnah, c'est un livre très important parmi les livres dans la croyance d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Et donc, Usul Sunnah, les fondements de la Sunnah, par une parole qui nous montre l'importance. Donc, il commence l'imam Ahmed ibn Hanbal, imam Ahl Sunnah, son livre par une parole qui nous montre l'importance et l'obligation de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il commence d'ailleurs son livre, Usul Sunnah, par cette parole en disant: أصول السنة عندنا. Je vous demande de la mémoriser. احفظوها يا إخوة. أصول السنة عندنا. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Regardez comme c'est court et c'est facile à retenir. أصول السنة عندنا ما هي؟ أصول السنة عندنا. Et puis il commence en disant quoi? التمسك بماذا؟ بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc les fondements de la sunna, c'est qui parle ici? On a dit c'est qui? C'est l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Il dit les fondements de la sunna chez nous sont se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum wa ardahum. Donc l'éminent Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, comme j'ai dit qu'il était le mufti du sud de l'Arabie Saoudite, ce qui montre son degré dans la science, et qui est décédé il y a peu, comme je l'ai déjà dit, et qui faisait partie des élèves de l'imam al-Qara'awi, rahimahullah ta'ala, qui a revivifié la da'wah salafia dans le sud de l'Arabie Saoudite. Il dit, dans son explication de Usul Sunnah de l'imam Ahmed, قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاستمساك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et ça, on rejoint ma nasiha de tout à l'heure. Vous vous souvenez sur le fait d'étudier quoi? السيرة يا إخوة. نحن ندعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم فأين نحن من دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام وندعي حب أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم فأين نحن من دراسة سيرتهم. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on prétend aimer le prophète عليه الصلاة والسلام وإنشاءالله ولم. Je dis ça juste en guise de nasiha pour essayer de se motiver, c'est pas pour démotiver, au contraire. Où est-ce qu'on en est par rapport à notre connaissance de la sira? Regardez la nasiha, je vous avais dit que j'allais la citer dans ce cours-ci. Regardez la parole de Cheikh Najmi, rahimahullah, ce grand savant, cet éminent savant, elle est très claire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est le quoi? C'est bilisimsak bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa bisirati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa khulafaihi ar-rashidin. وأصحابه المهديين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية. Encore une fois, on rejoint encore tous les thèmes de cette daura. الفرقة الناجية, السلفية, أهل السنة الجماعة, أهل الأثر, أهل الحديث. C'est tous des noms, comme rapporté notre Hassan حفظه الله تعالى, pour une même quoi? Une même réalité. Ce sont tous des noms légiférés pour une même réalité. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية من حديث الافتراق حيث قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا استثناء إلا واحدة. Et subhanallah, encore une fois, regardez, chaque fois j'ai fait la correspondance entre mes cours et les cours de Hassan, et on s'est pas mis d'accord, il est là, on s'est pas mis d'accord. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce que on prend de la même source. Il a fait un cours sur le takhrij ce matin, ça ou là, ce hadith-là, et une réfutation des gens qui essaient de quoi? De le rendre faible. فبينا أخونا حسن حفظه الله تعالى بعد صلاة الفجر أن الحديث صحيح رغم أنوف من حاول تضعيفه. قالوا, donc la suite du hadith, قالوا, je traduirai après inshallah, قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه و et c'est-tu le prophète عليه الصلاة والسلام؟ هل سكت؟ لا و أصحابي. Et ça, on rejoint notre cours dans la filiation de salaf. Qu'est-ce qu'on avait dit? وما يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين. On avait vu الحكمة dans ce عطف, vous vous souvenez, dans cette coordination. إذا علمنا هذا فإنه يتعين. Donc c'est Cheikh Najmi qui parle toujours. إذا علمنا هذا فإنه يتعين على طالب العلم أن يقرأ, encore une fois, سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ سيرة أصحابه وكيف كانوا. لقد طرأت البدع من بعدهم, ومن أوائل البدع التي طرأت بدعة الخوارج وبدعة الرفض, ثم بدعة الاعتزال والقدر وهكذا. Donc sa parole, c'est-à-dire la parole de l'imam Ahmed rahimahullah, les fondements de la sunna sont chez nous, sont usul sunnati indana. Et puis il commence. Et c'est quoi la première parole? Se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se fait en se cramponnant au livre d'Allah. Et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de ses califes bien guidés. Vous voyez, encore une fois, Cheikh Nejmi, c'est pas tu. Il a dit quoi? Et de ses califes bien guidés. Il fait référence à qui ici, évidemment? Hein? Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali. Et puis continue, c'est pas tu. Et de ses compagnons, de tous les compagnons, radiyallahu anhum jami'a. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en décrivant le groupe sauvé dans le hadith sur la division. Et cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous en enfer. Sauf un. Illa. Ça, on appelle ça en arabe, qu'on a déjà dit dans un autre cours ce week-end. Ça s'appelle al-istithna. Le fait de faire quoi? Une restriction. D'accord? Sauf un. Ils dirent, qui sont-ils au messager d'Allah? Hirs al-sahaba. Ils désirent ardemment savoir pour faire partie d'eux. Qui sont-ils? Il dit, ce sont ceux qui sont sur quoi je suis et mes compagnons. Vous avez vu? Et mes compagnons. Sachant cela, il est obligatoire aux demandeurs de science, aux talib al-ilm. Et on va boucler la boucle. Marhaban bi talib al-ilm. Regardez maintenant, nasiha au talib al-ilm. Premier cours ou dernier cours? Sachant cela, il est obligatoire aux demandeurs de science de lire la biographie du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh, ici? Il a dit, il est préférable, si tu veux, tu le fais. Ou il a dit quoi? Il a dit, ala talib al-ilm. Hein? Il y a une notion d'obligation là-dedans. Il est obligatoire aux demandeurs de science de lire la biographie du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et de lire la biographie de ses compagnons, radiyallahu anhum. Et comment ils étaient. Puis Cheikh continue en disant, Cheikh Ahmed bin Hayy al-Najmi rahimahullah, les innovations sont apparues après eux. Et là on rejoint une parole de qui? Hein? Vous souvenez pas? C'est pas une parole de Ibn Taymiyyah qu'on avait su, hein, souligné? Qui sont apparues après eux. Hadathun hadatha ba'dahum. Vous vous souvenez pas hier? Et parmi les premières innovations qui sont apparues, l'innovation des khawarij. On a déjà parlé de certains exemples des horreurs dont ils sont capables. Quand on a parlé de ce qui s'est passé en Algérie tout à l'heure. Et l'innovation de Ar-Rafd. Et on va voir c'est quoi, Inch'Allah. De manière très résumée, on va voir c'est quoi, Inch'Allah. D'où Hassan, quand il a cité Ar-Rawafid. Et l'innovation de Al-I'tizal. Ce que vous entendez souvent dans les durus de Mashir, Al-Mu'tazila. Et Al-Qadar, et ainsi de suite. Al-Rafd a pour sens Al-Tark, c'est-à-dire quoi? Le fait de laisser, de rejeter. Et ils sont donc ceux, Al-Rawafid, ceux qui ont rejeté l'imamah de qui? Des deux Cheikh. C'est-à-dire qui? Quand les ulama disent ça, c'est qui? Abu Bakr et Omar. Et ils s'innocentent d'eux. Et ils insultent les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah musta'an, et les critiquent. Al-Mu'tazila, ce sont les compagnons de Wasil ibn Ata. Lorsqu'il a quitté, i'tazala, d'où le mot, i'tizal, mu'tazila, les assises de l'Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Wasil ibn Ata dit que celui qui commet un grand péché n'est ni croyant, ni mécréant. Hein? Mais qu'il est à un stade entre les deux. Manzila bayna. Al-Manzilatayn, comme ils disent les mashir souvent. D'accord? Al-Qadariya, c'est un nom que les gens de la Sunna donnent à ceux qui prétendent qu'ils font, eux, leurs actions sans prédestination, comme il dit Cheikh Ahmed Nejmi. Sans prédestination d'Allah. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, dans son explication de Hadith Jibril, alayhi salam, Il dit à propos des Qadariyas qu'ils prétendent que les gens créent leurs propres actions et qu'Allah ne les a pas prédestinés. Wal'iyadhu billah. Évidemment, il y a plusieurs groupes chez les Qadariyas. Hein? Il parle d'un certain groupe particulièrement ici. Or, le madhhab d'Al-Sunnah, c'est qu'Allah a créé les gens, comme dit Cheikh Al-Mahsin Al-Abbad, Allah a créé les gens et les actions des gens. خلق العباد وأفعالهم سبحانه وتعالى. Parmi leurs erreurs également de Qadariya, c'est qu'ils renient le châtiment de la tombe. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour les gens qui ont commis des grands péchés de sa communauté. Parmi les gens de sa communauté, il y a des gens qui ont commis des grands péchés, et bien ils renient cette intercession-là. Et qu'ils seront sortis du feu. Ils renient la vision d'Allah. رؤية الله عز وجل. Et le questionnement des deux anges, Munkar et Nakir. Et ils ont dit que le Coran était créé, parmi d'autres erreurs encore. Certains athars ont été rapportés d'ailleurs les concernant selon lesquels ils sont les majous de cette communauté. Wal'iyadhu billah. Wa laqad kana, et c'est toujours Cheikh Najmi qui parle, rahimahullah, wa laqad kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaqifuna min hadi al-bid'a wa ashabiha mawqif al-munkir wa mawqif al-maghir, faqad thabata fi sahih Muslim anna Abdullah ibn Umar lamma akhbara bi bid'ati al-qadariyah لما أخبر ببدعة القدرية قال لمن بلغه إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني ثم أنشأ يحدثهم بحديث أبيه في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وقف من بدعة الخوارج موقف المنكر وأرسل إليهم ابن عمه حبر الأمة هو عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع منهم 4,000 وبقي الباقون على ما هم عليه ثم إنه قاتلهم يوم النهروان وهكذا نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا من البدع التي ظهرت في حياتهم موقف المنكر لها والمعادي لتلك البدع ومما يتبين به بغضهم لأصحاب البدع حديث أبي أمامة في سنن ابن ماجه باب الخوارج حيث رأى رؤوس رجال من الخوارج قد صلبت فأخبر أنهم كلاب النار والشر الخلق والخليقة. Donc les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, leur position envers ces innovations était celle de celui qui réprouve cela et éprouve de la jalousie envers sa religion. Il a été rapporté dans l'authentique de Muslim que Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, lorsqu'il fut informé de l'innovation des Qadariyas, il dit à celui qui l'informa, si tu rencontres, regardez le mawqif ya ikhwa, et ça c'est pourquoi on dit ça, c'est pourquoi on les prend comme exemple, hein? Et celui qui les suit de manière exemplaire, si tu rencontres cela, fais-leur savoir que je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi. Puis il lui rapporta le hadith rapporté par son père, qui est Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui relate la venue de Gabriel Jibril chez le prophète. C'est le fameux hadith, de hadith qu'on a dit, hadith Jibril, alayhi salam. De même, Ali ibn Abi Talib aussi se positionna envers les Khawarij comme quelqu'un qui réprouve leur innovation. Et il leur envoya le fils de son oncle paternel, c'est-à-dire son cousin, qui Habr al-Ummah, c'est qui Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui débattit avec eux. On en a déjà parlé tout à l'heure. 4,000, écoutez les frères, regardez, fard l'ilm, encore une fois. Fard l'ilm. 4,000 parmi les Khawarij se repentirent après cela. Et le reste resta sur ce quoi ils étaient, puis Ali, radiallahu anhu, il les combattit le jour de Nahrawan. Telle était la position des compagnons envers l'innovation. Ils la réprouvaient et ils la détestaient. Parmi les choses qui mettent en évidence leur haine de l'innovation, c'est le hadith d'Abu Umama dans Sunan ibn Majah. On a dit que dans le cours de vendredi, on a dit que Sunan ibn Majah fait partie de quoi? De Kutub al-Sitta. Chapitre, regardez le titre du chapitre, chapitre de Khawarij. Lorsqu'il vit les têtes crucifiées, et c'est intéressant, en tant que frère salafi, on parle de Khawarij, c'est d'ouvrir un jour les livres de la Sunna. et de voir les hadiths sur le Khawarij, et de voir l'explication de ces hadiths-là. Il faut être curieux, ikhwa. Hein? Chapitre de Khawarij, lorsqu'il vit les têtes crucifiées de certains hommes parmi les Khawarij. Il a, regarde le mawqif, il voit les têtes de certains hommes parmi les Khawarij crucifiés. Il informa qu'ils étaient les chiens de l'enfer et les pires des créatures. Hein? Et on a vu ça tout à l'heure quand on a parlé de l'Algérie, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire, etc. Wallahi sadaq. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Donc c'est la suite. C'était quoi le début, ikhwa? احفظوا هذه الكلمة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب. Très facile à retenir. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. والاقتداء بهم. يقول الشيخ نجمي رحمه الله شارحا لقول الإمام أحمد. معنى ذلك أن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعتقد أنهم أفضل الأمة وأحبها إلى الله وأقربهم إليه وسيلة. والله يقول regardez encore une fois quel verset. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت. Masira, encore une fois. Regardez l'importance de ce verset, ya ikhwa. Qawluhu wa yattabi' ghayr sabil al-mu'minin. As-sahabatu hum a'la al-ummati imana wa afdaluha 'inda Allah maqama. Et ça vous aura plu pour les frères qui habitent ici ou qui sont venus ici quand Cheikh Falah Ismail nous a visité il n'y a pas longtemps. Il n'avait pas dit ça, il n'a pas dit as-sahaba fawq. Hein? Il a dit, tu regardes au point que ta rotrale tombe quand tu regardes vers Sahaba. Dès que tu dis Sahaba, tu regardes tout à fait en haut. Vous vous souvenez de ça? Regardez. Kalam Ahl Sunnah Wahid. Est-ce que Cheikh Falah Ismail s'est mis d'accord avec Cheikh Najmi? Hein? Non, il prend de la même source. Fashafallahu Sheikhana. Donc il a dit quoi? Wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, as-sahabatu hum a'la al-ummati imana. وَأَفْضَلُهَا عِنْدَ اللَّهِ مَقَامًا. Qu'est-ce qu'on va penser maintenant des Rawafid qui les critiquent, qui les insultent, et certains d'entre eux font le takfir? نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّلَالِ إِخْوَ اللَّهِ. إذن فهذه الآية يقصد فيها بالمؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتبع غير سبيلهم ويقتدي بغيرهم فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ويكفيه أن الله توعده بأن يتخلى عنه ويوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا والعوذ بالله. Encore une fois la même, exactement la même parole que Cheikh Al-Albani رحمه الله. وقد ظهر من هذا أن الواجب على كل طالب العلم أن يتبع سبيل المؤمنين الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam Ahmed bin Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, hein, lisez son histoire, ikhwa. Lisez ce qu'on appelle, l'ulama s'appelle al-mihna, le test qu'Ahmed a eu. Comment est-ce qu'il a souffert, comment est-ce qu'il a patienté, et comment toute cette histoire est devenue une école chez les gens de la sunna. Par rapport à quoi? Fitnat khalqa al-Qur'an. Voilà, c'est une école, ya ikhwa. Que des enseignements. Les ulama ont fait des livres, des khutab jumu'a. Il faut écouter, il faut lire, ya ikhwa. Et prendre de ce mawaqif, ce qu'on appelle quoi? Des ibar, hein, des exemples à suivre, et des enseignements à tirer et à pratiquer. Donc, Cheikh, il continue, l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit, on a dit quoi donc? Usul sunnati indana tamassuku bima kan alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les fondements de la sunna chez nous sont s'accramponner, s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez la suite. Et wa liqtida'u bihim. Et les prendre en exemple. Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il dit en guise d'explication de ce passage, le sens de cela, c'est que nous prenions en exemple les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que nous croyons qu'ils soient les meilleurs de cette communauté. Il est plus aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est plus proche d'Allah. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin est apparu » Et comme on a dit, est-ce que ce verset s'arrête là ? Ikhwa, hein ? Non. « Et suit un sentier autre que celui des croyants. Alors, nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination !» C'est la traduction du sens de Sourate An-Nisa, verset 115. Les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sont les plus élevés dans la foi de cette communauté et les plus nobles en position auprès d'Allah. Ce qui est voulu par les croyants dans ce verset, ce sont donc les sahaba, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit un autre chemin que le leur et prend en exemple autre qu'eux, se sera égaré d'un grand égarement. Il aura perdu d'une grande perte. Et il lui suffit qu'Allah ait menacé, qu'il sera délaissé par Allah et que lui sera collé ce qu'il s'est collé et qu'il brûlera, wal'iyadu billah, en enfer. Et quelle mauvaise destination. Cheikh termine en disant, nous cherchons auprès d'Allah refuge contre cela. Hein? J'ai terminé donc ce cours-ci, inshallah, je vous avais dit qu'il serait très court. Hein? Et on va terminer par cette parole de remerciement. Allah Azza wa Jal en premier. فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء وهذه الدورة الطيبة المباركة كالله نزل فاسيليتي سيد دورة il y a eu des très beaux moments dans cette dora on a fait connaissance avec pas mal de frères il y a eu des belles assises beaucoup de fawaïd de beaucoup d'émotions aussi alhamdoulilah pour une première dora Allah alim j'estime que c'était quelque chose de très réussi pour ma part en tout cas ça m'a beaucoup plu ça m'a beaucoup touché. On voudrait ensuite, après ça, remercier les responsables de la mosquée qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné carte blanche pour organiser cette daura et qui ont mis tous les moyens à notre disposition, matériels, financiers et autres. Et remercier notre frère Hassan Abou Asmah d'avoir fait le déplacement du Maroc. C'est pas la porte à côté, évidemment. D'accord ? Et d'être venu, Zallahu Khairan Ani, pour encore une fois défendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie aussi les frères qui nous ont aidés à organiser cette daura. Tous les frères qui ont fait des efforts. Les sœurs aussi, il y avait des sœurs de l'autre côté, on ne les voit pas, mais il y a des sœurs qui ont travaillé aussi. شكر الله الجميع وجزاهم الله خيرا وبارك الله في الجميع ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم Et qu'Inch'Allah qu'on reste sur cette voie de la sunna et qu'on tire les enseignements de cette daura-là sur le fait d'apprendre la science, ya ikhwa, fadl talab al-ilm, fadlun azim. Et vous rappelez, istighfar, jami' al-khala'iq, al-mala'ika, wa ma aktharaha, wa man fi al-samawat, wa man fi al-ard, wa hatta al-hitan fi jawfi al-ma', et fadl al-alim, فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب اكسسون ورثة الأنبياء فضل العلم يا إخوة والله إخوة فضل العلم عليكم بالعلم أو علينا بالعلم العلم c'est très important يا إخوة يا حديث qui dit on l'a vu dans nos cours également une fois من يريد الله بخيرا يفقه في الدين celui à qui Allah regardez la phrase comment elle est claire celui à qui Allah vient bien Allah il lui facilite la compréhension de la religion. Les ulama ils disent, ils appellent ça mafhum al-mukhalafa. C'est quoi mafhum al-mukhalafa? Man lam yurid Allah bi khairan, ou man la yurid Allah bi khairan la yafiq fi ad-din. Sallallahu alayhi wa sallam, ya ikhwa. Il faut apprendre notre religion, ya ikhwa. Il faut être à la basir. On a vu aussi pendant surtout dans les cours de Hassan, shubuhat, ya ikhwa, c'est l'ilm. Il faut avoir le basira. Évidemment, c'est-à-dire revenir aux ulama et prendre des ulama pour ne pas se faire avoir, pour se protéger des ambiguïtés, pour rester sur la sunna. Qu'Allah fasse qu'on meure sur cette sunna. Et que c'est une voie qui n'est pas facile, comme on l'a dit. On a parlé de cette notion de patience. Mais quelle belle voie. Et même, Anil est. Les tribulations, les fitanes et les épreuves qu'on a, elles ont un goût, subhanallah. Elles ont le goût de la ghurba. Fatouba lil ghuraba. Faut s'accrocher, ya ikhwa. Ya akhawat. Jusqu'au bout. Et surtout, comme je l'ai dit, s'entraider entre nous. Les gens de la sunna sont peu. Ils sont très peu. Prenez soin de vous, ikhwa. Prenez soin de vous, restez sur la sunna. Protégez-vous des ambiguïtés. Éloignez-vous des gens de l'égarement. Restez en contact avec vos savants. Restez en contact avec vos frères et vos sœurs. Prenez soin les uns des autres. Fatouba lil ghuraba. Wallahu a'lam. Wa subhanaka allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. واستغفرك واتوب إليك